Des médecins hongrois pour le dévoilement, tous pour un pour tous. En Hongrie aussi, de plus en plus de médecins s'associent en raison des mesures Covid douteuses prises dans le pays. Afin d'unir leurs forces et de se faire entendre publiquement, ils ont fondé l'association hongroise Médecins pour le dévoilement et ont déjà publié de nombreux documents d'information. Quatre sommités reconnues dans leur spécialité, à savoir le docteur Alfred Poch, le docteur Józef Tomasi, le docteur Gábor Lenkei et le docteur György Gödény, ont publié un court-métrage reprenant leurs déclarations les plus importantes sur ce sujet. Ils précisent clairement qu'en faisant cela, ils ne nient pas le virus, ni les personnes malades, ni les décès. Mais ils veulent contribuer à ce que cette crise soit surmontée collectivement. Toutefois, cela nécessite un débat scientifique ouvert, dans lequel les voix des scientifiques qui n'ont pas de place dans les médias grand public soient entendues. Par rapport à l'utilité des confinements, de la vaccination, des masques et de la propagation de la peur, ils sont arrivés à la conclusion que nous subissons tous une grande attaque contre notre vie habituelle et contre notre liberté. Pour résister à cela, ils veulent se lever et, comme les quatre mousquetaires, dire « tous pour un et un pour tous ». Ils appellent également toutes les personnes honnêtes et de bonne volonté à se lever courageusement avec eux contre les mesures coercitives, arbitraires et insensées. Après cette émission, nous diffuserons également un bref message de salutation et de remerciement de la part de ces médecins pour le dévoilement. Regardez maintenant ces films exemplaires et encourageants de la Hongrie. Si nous voulons mettre fin à l'état actuel des choses, nous devons nous lever de nos fauteuils et faire quelque chose. Aucun d'entre nous n'a jamais dit qu'il n'y a pas de virus, pas de malade, pas de décès, et qu'il ne faut pas faire quelque chose de façon urgente et efficace pour remédier à cette situation. Nous ne sommes pas des négationnistes du virus, mais nous ne disons ni ne voyons aucune preuve que cette prétendue grippe covidienne est uniquement due au coronavirus. Un virus qui, à l'heure actuelle, n'a pas été isolé par la science dans aucun laboratoire comme étant réinfectieux. Nous sommes tous au même point qu'il y a un an, mais nous avons le sentiment que la situation est beaucoup plus intenable. Il faut donc faire davantage d'efforts pour informer les gens sur ces questions afin qu'ils cessent de s'inquiéter et d'avoir peur et qu'ils bannissent ces pensées négatives de leur vie. Nous pouvons nous lever ensemble, avancer ensemble avec des objectifs communs. Et avec cela, je veux être un exemple afin que tous le fassent aussi en Hongrie. Nous ne devons pas nous laisser diviser. Nous recevons également des critiques de personnes qui veulent nous insulter et nous diviser. Mais nous n'acceptons pas cela. Nous nous tournons les uns vers les autres. Nous croyons en l'autre parce que nous n'avons pas été déçus une seule fois. Et nous faisons avancer ces pensées parce que nous avons le sens de la justice. Outre le fait que nous avons toujours des opinions similaires, tous les quatre, il est quand même très important de savoir quelle est la perception du peuple. Mais nous sommes toujours d'accord, notamment sur la question du problème du COVID, qui doit être traité dans son ensemble. Nous pouvons donc coopérer avec des personnes honnêtes et de bonne volonté, qui évaluent la situation comme nous, de manière holistique. Il serait bénéfique que nous adhérions aux règles de base de la science. Il serait bénéfique que nous ayons un débat scientifique réel et animé. Et il serait bénéfique que pour faire face à la situation, nous nous en tenions aux règles professionnelles les plus élémentaires de la médecine. Il n'existe aucune preuve scientifique que les confinements ont un effet bénéfique sur la santé des gens. Rien ne prouve que les vaccinations soient efficaces, surtout à long terme. Et ce qui me rend toujours très triste, c'est que nous ne nous occupons pas des autres patients. La situation que nous vivons est le résultat d'un processus très délibéré qui dure depuis des décennies. Lorsque j'examine de plus près toute cette épidémie, il est clair qu'elle était planifiée à l'avance et fondée sur des mensonges. Les décideurs ne s'en sortiront jamais car ils sont obligés de mentir toujours plus. Nous pensons que les confinements doivent être stoppés. Ils sont absolument inutiles. Comme nous l'avons déjà dit, il y a des recherches scientifiques qui montrent que ces restrictions et le fait d'isoler les gens et de les enfermer dans leur maison ne représentent aucun avantage. Je ne veux même pas parler des pertes d'emploi. L'utilisation généralisée des masques, notamment dans les lieux publics, à l'extérieur, est également totalement absurde et devrait être stoppée dès que possible. De même, nous nous opposons à ce que différentes vaccinations nous soient imposées. La vaccination augmente le nombre de personnes qui tombent malades. Elle augmente le nombre de cas graves et elle augmente le nombre de décès. Et donc, nous devons y réfléchir. Il y a toute une série de questions et il devient également clair pour moi que personne n'écoute ces questions et que personne ne veut modifier ce processus. Il y a une force derrière tout cela qui n'a pas son origine ici, qui n'a pas son origine en Hongrie, qui n'a pas son origine dans notre proximité, mais ailleurs, sans tenir compte de quoi que ce soit. Si nous examinons les enseignements de la médecine elle-même, nous savons que toute cette situation aurait pu être évitée. De nombreuses personnes sont pleines d'espoir et acceptent donc, influencées par des coercitions plus ou moins grandes, de la persuasion et de la ruse, par exemple, de se faire vacciner. Un grand nombre d'entre elles espèrent que les choses iront mieux après. Ce que je veux dire, c'est que toute cette histoire qui se joue maintenant est un agenda, un programme planifié. Les gouvernements eux-mêmes n'acceptent pas le chantage des terroristes. Pourquoi nous accepterions d'être l'objet d'un chantage? Un jour, quelqu'un sera tenu pour responsable de cette vaccination. En fait, tous les responsables, car on ne peut nier qu'il s'agit d'expérimentations humaines. N'acceptons pas de les laisser faire. Ne nous livrons pas à eux, parce que la prochaine fois, on en arrivera au point où je ne pourrai pas aller aux toilettes, parce que la dame des toilettes me dira que je ne peux pas entrer si je ne suis pas vacciné. C'est une terrible attaque terroriste contre nos vies, contre notre vie habituelle, contre notre liberté. Il s'agit donc d'un acte de terrorisme auquel nous devons résister. Comme vous l'avez dit, aucune concession ne doit être faite aux terroristes. Donc, si nous leur résistons, alors il peut y avoir une solution. Mais si nous pensons toujours qu'entrant par la porte derrière, ils nous aideront, alors nous serons vite dans une impasse, nous serons coincés dans un coin et il n'y aura pas d'issue. D'après ce qu'enseigne la médecine elle-même, il est évident que les vaccins ne sont pas une solution véritable et efficace. C'est ce qu'enseigne la médecine. Si les connaissances que nous avons et les outils dont nous disposons étaient tous utilisés, on aurait beaucoup moins besoin de vaccins protecteurs et la quantité de vaccins utilisés pourrait être réduite au minimum. Le 28 février, nous étions près de 5000 sur la place des Héros. Nous avons osé sortir parce que vous êtes des gens courageux, parce que vous pensez que ce qui se passe n'est pas juste. Donc, vous ne pouvez plus vivre ça. Ils ont fait des expériences sur nous pendant un an, prenant différentes mesures, nous restreignant, et nous savons que ça n'apporte rien. Il a été prouvé que ça n'a pas de sens. Je vous demande d'être plus nombreux la prochaine fois, lorsque nous sortirons et que nous ferons quelque chose. Venez courageusement et exprimez votre désaccord. Et trouvons ensemble la solution à ce problème du COVID. Résolvons au moins le problème dans notre pays. Soyons un bon exemple, nous les Hongrois. Opposons-nous à eux et ne les laissons pas nous terroriser. Nous comptons sur vous tous qui avez du cœur et nous devons retrouver une vie normale et libre.